Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée pour le podcast « Sex, Game and Rock'n'Roll » de l'animatrice Raphaël Beaupré, dans lequel je vais parler du cinéma populaire des années 1980. C'est une entrevue que j'ai réalisée pour Raphaël en décembre 2019. Sex, games, and rock'n'roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps. Raph Beaupré. And I live in a fantasy world. Sex, games, and rock'n'roll. C'est pas long qu'on s'ennuie de toi, Christophe. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, mon minou me dit ça à chaque fois que je reviens à la maison ce soir. T'as un peu ton chat. Parle. Ben certain. Est-ce que tu parles à tes plantes par hasard? Non, ça c'est ma blonde qui parle à mes plantes. Je suis déjà inquiète là. Non, ma blonde parle aux plantes, moi je parle aux minous. Finalement, il n'y aura pas de podcast aujourd'hui. Merci d'avoir téléchargé le plus court épisode de l'histoire. Non. Écoute, on est Raphaël, je suis pour les records. Alors, je suis heureux d'avoir été ton plus court podcast de toute l'histoire. Bienvenue dans Sex, Game and Rock'n'Roll. Et vous aurez deviné... Qui est-il? D'où vient-il? C'est Goldorak! Oui, oh! Mais non, mais moi, je voulais que tu dises, c'est Christophe! Ah, oh, c'est Christophe le merveilleux! Bref, Christophe Lassens, notre passionné de cinéma, il est tombé dans ma marmite très, très jeune. Ben écoute, il y en a plusieurs qui aiment l'appeler l'historien du film, je vais le dire comme ça. Eh bien, écoute, d'habitude, les derniers podcasts qu'on a fait ensemble, c'était pas mal par rapport aux jouets, aux figurines, aux statues. On s'est amusé un peu là-dedans. Écoute, je voulais trouver une chronique où je pouvais parler de sexe, de game et de rock and roll. Tu l'as trouvé? Et je pouvais pas penser à rien de mieux que Monsieur Patate, oui. Barbie et Ken. Oui, Monsieur Patate, Barbie et Ken, si vous avez manqué ça, là, c'est dans les précédents épisodes du podcast, toujours disponibles en téléchargement ou sur votre plateforme favorite. Mais oui, effectivement, tu m'as flabbergasté en me parlant de Monsieur Patate. Et oui, on peut mélanger apparemment le sexe avec ça. Bon, si vous voulez savoir, écoutez le podcast. Oui. Mais cette fois-ci, on retourne dans tes pantoufles, dans tes pétoufles, yes. Dans tes belles pétoufles confortables. Yes. On parle du cinéma des années 80 qui est, peux-tu dire, mitigé? Écoute... Les gens, je pense, ou surtout les fans de cinéma, sont d'accord pour dire que probablement les années 80 sont les années les plus originales de toute l'histoire du cinéma. Mais du côté des critiques et des certains réalisateurs ou producteurs, on peut nommer entre parenthèses Quentin Tarantino, c'est la pire période au niveau de l'histoire cinématographique d'Hollywood. Puis on va essayer d'en parler et de décortiquer ça. Pourquoi ça peut être d'un côté si bon? Et de l'autre côté, si mauvais. Parce qu'effectivement, il est vraiment aux deux extrémités, ce cinéma des années 80. Le cinéma des années 80, là, corrige-moi si je me trompe, c'était bien pour les fans, c'était du renouveau, c'était moins selfish, c'était fait pour attirer l'attention, pour amener le plus de visionnement possible de personnes qui se présentent dans les salles pour... c'était plus du bonbon facile. Tu sais, c'est la palette... Oh, tu sais, avant, on avait, avant les années 80, on avait le chocolat à 70% qui se rapproche de la pureté. Puis là, on a les produits avec de la paraffine à côté qu'on est capable d'acheter dans les dépanneurs. Désolé, je suis une fan de chocolat. Non, mais oui, non, c'est bien, ça. Mais est-ce que ça te fait du sens, ce que je dis? Oui, puis je vais expliquer pourquoi. Mais avant qu'on arrive aux années 80, Il faut qu'on revienne en arrière. On n'a pas le choix. Okay. Il faut qu'on parle un peu des années 60 et des années 70. Parce que dans les années 60, il y a le censorship disparaît quelque peu. Et à ce moment-là, ça a deux actions directes. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le censorship. Bien, mettons toute la censure. Donc, le sexe, la violence et tout ça. Si vous regardez du cinéma jusqu'aux années 60, c'est très basic. Mais quand on arrive dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, là, on a de plus en plus de nudité, on a de plus en plus de violence. Et si vous voulez voir un peu de quoi je parle, vous avez juste à regarder un peu les films de la Hammer Film. C'est une maison de production britannique. Vous allez voir l'évolution, juste en regardant dans les films de Dracula, vous allez voir l'évolution de Dracula, c'est-à-dire on a un peu de sang, on a plus de sang, puis à un moment donné, ben on a de la poitrine, puis on a de la nudité, puis on a plus encore de sang. Donc, la poitrine de poulet? Pas tout à fait. OK, c'est bon. Mais quand même, tu vois quand même qu'il y a une évolution. Donc, la fin des années 60, ça disparaît. Une autre chose aussi qui apparaît, c'est que les compagnies de cinéma appartiennent principalement à des familles. Mm-hmm. Dans les années 60, ça va commencer à disparaître. Et là, c'est les entreprises, multinationales qui vont se mettre à acheter les studios de cinéma. Et donc, ça va changer la donne également. Ça aussi, ça va apporter une nouvelle donne parce que les acteurs, avant le début des années 60, étaient signés à des studios en particulier. Donc, si tu avais, mettons, Gene Kelly, il y avait de fortes chances que Gene Kelly ne faisait des films que pour la MGM. La Metro Goldwyn Mayer. Tu avais d'autres acteurs qui faisaient d'autres films uniquement pour la Paramount parce qu'ils étaient signés à ce studio-là principalement. Même chose pour les réalisateurs. C'est quelque chose qui va disparaître, ça, dans les années 60. Puis quand on arrive dans les années 70, bien là, on arrive avec quelque chose de vraiment néfaste pour les Américains parce que les Américains sont la puissance mondiale. Ils viennent de se faire passer toute une raclée au Vietnam. Mm-hmm. Et c'est extrêmement important. Oui. Et en plus, le président... qui les remonti au Vietnam, le remonti à Watergate. Et on parle de Nixon ici. Mm-hmm. Donc, ces deux choses-là font que les Américains vont être ébranlés. Ils vont être ébranlés parce que là, ils sont la plus grande puissance du monde, puis ils viennent d'être battus par un petit pays qui est le Vietnam, du Sud, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, tu as en plus de ça leur président qui leur ment et qui se retrouve dans un complot incroyable. Donc, la confiance des Américains est vraiment touchée. Et à ce moment-là, les réalisateurs, on va voir un développement plus drastique, plus rebelle, plus journalistique, plus on va vous parler des vraies choses puis vous montrer à quel point qu'on s'est fait avoir. Mmh. Et en même temps que ça arrive, tu as une nouvelle clique cinématographique de réalisateurs rebelles qui arrivent à Hollywood dans les années 70. Francis Ford Coppola, oui. Martin Scorsese, Brian De Palma et mm-hmm. deux gars qui vont être importants dans les années 80. Un, George Lucas. Ah oui, il est important, lui. Oui, mais le plus important, c'est Steven Spielberg. Aussi. Parce que Steven Spielberg... Il n'y a pas d'années 80 sans Steven Spielberg. Puis si vous pensez que je blague, il ne faut pas penser à Steven Spielberg, le réalisateur. Il faut penser à Steven Spielberg, le producteur également. Parce qu'à tous les ans, de 1981 jusqu'en 1989, Spielberg apparaît sur les grands écrans tout le temps, tout le temps, tout le temps. À tous les ans? Pensez à, en 1981, si je ne me trompe pas, Raiders of the Lost Ark. Oui. Les aventuriers de l'âge perdu. En 82, E.T. Oui. En 83, Poltergeist. La vengeance des fantômes. En 84, Gremlins. 85, Retour vers le futur. 86, La couleur pourpre. Tu sais, je pourrais continuer. 87, Harry Lee Anderson. Pas grand-chose de mauvais là-dedans. Hein? Non. Et en 89, tu as Raiders of the Lost Ark, The Last Crusade, donc La dernière croisade. Il faut revenir en 84 avec Indiana Jones and the Temple of Doom, Le Temple maudit. Donc, t'as pas l'année 80 sans Spielberg. Mais lui, il dort moins que toi, dans le fond. Ah, probablement que Spielberg, oui, il dort pas partout. Mais, tu sais, je te dirais, les années 70 ont été importantes. Et quand on arrive au début des années 80, on continue à sentir un peu cette rébellion-là qui est... on a juste à penser à Shining de Stanley Kubrick. Oui. Où on a pensé à des films un peu plus... tu sais, là, il n'y a pas de titre qui me vient en tête, là, mais les années 80, on a beaucoup de titres de films où est-ce que justement c'est très sombre, très dark, très journalistique, très réaliste. Spielberg arrive au début des années 80, lui, et il te lance un courant d'air, d'air frais à travers Hollywood qui fait dire aux gens au cinéma: savez-vous quoi? On a assez souffert. Oui, on est encore mal dans notre peau, mais il est peut-être le temps de faire quelque chose d'autre de notre peau. Réinventez-vous. Il a secoué la machine. Mais ça serait le fun d'avoir du fun d'aller au cinéma. Au lieu de pleurer, au lieu de réfléchir, de lancer un message. Au lieu d'aller voir un film politique à la All the President Men, Les Hommes du Président, ben on va aller s'amuser avec un Gremlins ou avec un Retour vers le futur, où est-ce que là, à ce moment-là, les gens se divertissent. Et tu vas remarquer qu'à tous les ans, dans le top 5, les films de Spielberg sont toujours là au niveau du box-office. Et il a compris la patente. Il a compris la patente. Il a compris ce que les Américains avaient de besoin. Hey, mais attends un peu, là. Ce modèle-là, là, je suis désolée de faire la parenthèse, là. C'est peut-être une parenthèse d'actualité un peu poche, là. Mais si nos artistes québécois se servaient du modèle Spielberg, là, ça fonctionnerait. Il n'y aurait pas de besoin de demander des subventions à côté, demander notre argent, de prendre l'argent des contribuables. S'il faisait du contenu pour s'amuser, s'il faisait du contenu pour ce que les gens sont prêts à mettre de l'argent à payer, à les divertir, à investir, il vivrait très, très bien. Mais justement, de secouer la patente de même, comme Spielberg, c'est peut-être un bon modèle à suivre. Et quelqu'un va me dire, à un moment donné, écoute, je vais te dire une anecdote. À un moment donné, quelqu'un me dit d'aller écouter le film Polytechnique de Denis Villeneuve. Oui. Denis Villeneuve, qui est un bon réalisateur aux États-Unis, qui n'est pas véritablement un excellent réalisateur au Québec. En tout cas, pour Polytechnique, pas vraiment. Et à un moment donné, j'écoute ce film-là qui dure 79 minutes, si je ne me trompe pas. Très court comme film. Et ça a été les 79 minutes les plus longues de mon existence. OK? C'était pénible à regarder ce film-là. Et à un moment donné, je revois cette personne-là et j'ai dit, écoute, veux-tu voir vraiment un bon film? Bien, écoute Munich, qui est exactement le même sujet. Sauf qu'au lieu d'être dans une école, c'est les Jeux olympiques. Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus l'année, mais je pense que c'est 72, Munich. Et la prise d'otage des athlètes des Jeux olympiques de 72, et c'est à peu près la même affaire. Mais Spielberg a une mise en scène où est-ce que tu ressens de quoi pour les athlètes qui sont pris en otage. Dans Polytechnique, on dirait qu'on s'intéresse plus aux gens qui ont commis le crime. Mmh. Et là, la personne me dit, ouais, mais c'est parce que c'est une question de budget. Et je la regarde, je dis, OK, sais-tu quoi? On va revenir en arrière. On revient en 1971 et on va écouter un film qui s'appelle Duel, où Steven Spielberg a eu 350 000 $, un troc, un char, une autoroute. C'était réglé. Boom. Maintenant, montre-moi que le cinéma québécois n'est pas capable de faire ça. Sais-tu quoi? Il n'est pas capable de faire ça. Et pourtant, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ça a pris un troc, un char, une autoroute. Et 350 000 piastres. On est capable de faire ben des oui, films mais au oui, Québec. Puis regarde, les films divertissants rapportent bien. Il y a deux preuves, là. Il y a une des preuves que j'oublie le nom du réalisateur, là. Mais il y a Ricardo Troggi qui fonctionne très, très bien, qui, avec ses films 1981, 87, puis là, je pense que c'est 91, corrige-moi. En tout cas, bref, sa série de films, ça fonctionne full pin. Les Québécois se sont sentis à approprier leur adolescence là-dedans, puis leur vécu. Leur nostalgie, c'est du pur divertissement. Oui, puis, mais c'est ça. Lui s'est servi de ses expériences de jeunesse, puis ça fonctionne bien. Ou sinon, les autres fameux films, là, qu'on voit apparaître des humoristes québécois, je sais que c'est peut-être pas lourd, pensé, réfléchi, et bon, OK, mais ça fonctionne. Des pères en flic, avec Louis-José Hood, le gars qui est derrière ça, il en a fait une couple aussi. Mais je peux-tu te dire, pour moi, le meilleur film québécois? Vas-y. La Grande Séduction. Oui. Qui est exactement un exemple de comment le cinéma québécois devrait se comporter au niveau international. On a de beaux exemples, oui. Mais je ne sais pas les puristes qu'est-ce qu'ils ont, là, mais il y a de regarder le haut, les petits, toi, moi et ceux qui écoutent, ça vaut pas la peine parce que c'est nous autres qui a le portefeuille, puis c'est bien plus frustrant de savoir que tu as volé l'argent au lieu qu'on te l'a donné avec bonheur et joie et plaisir. Et malheureusement, faire du cinéma au Québec, il faut le faire juste pour les Québécois. Le monde n'existe pas. Mais voilà. Ceci dit, il faut revenir à 1980. 1980. À un moment donné, on pourra chialer sur le cinéma québécois quand on aura une seconde. Non, je suis contente de l'avoir fait. Mais les années 80 sont importantes aussi pour deux choses. Parce que tu sais, tantôt, tu disais, il faut avoir du renouveau, il faut avoir quelque chose de spécial à aller voir au cinéma. Mais il y a une raison pour ça. Mm-hmm. Parce que les gens ne se rappellent pas que les années 80 marquent le début de la vidéo cassette. Oui. Beta, VHS, ça arrive sur le marché. La télévision payante arrive sur le marché également. Oui, Much Music, exactement. Much Music, MTV, Super Channel, Super Écran. C'est toutes les affaires. Les vidéoclips avec MTV, ça arrive également. Mais ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les plateformes de streaming, comme les Netflix, les Crave, les Amazon de ce monde. Eux le vivaient, mais de cette manière-là. Oui. La différence, c'est qu'au cinéma, comment tu fais pour amener du monde dans les salles alors que maintenant, ils peuvent rester à la maison puis aller dans le club vidéo à côté chercher le film 6 mois après qu'il soit sorti en salle. Et donc, tu dois faire des choses qui sont spéciales. Et la force des années 80, elle est là. Elle est au niveau de... OK, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut faire de quoi de spécial qui va faire que les gens vont aller au cinéma. Donc, il faut qu'on utilise nos neurones. Et on n'a pas d'effets numériques, on n'a pas de CGI, donc on n'a pas des ressources faciles. Il faut qu'on se casse les neurones à trouver une manière de faire un Gremlins. Pour y croire, il faut qu'il marche. Oui. Pour que Chucky fonctionne puis qu'on croit Chucky, il faut que ça marche. Oui. Quand que Freddy Krueger est dans vos rêves puis qu'il vous fait... Il faut que ça marche. Comment qu'on fait? C'est quoi les trucs qu'on va faire? Et les années 80 sont remplies d'originalité. Et pire que ça, il faut qu'on le mette dans la face du monde. Et en 1981, il y a deux films qui vont changer la map des effets spéciaux. Hurlement, The Howling, et Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London. Comment faire qu'un homme se transforme en loup-garou devant vos yeux en une shot? Et An American Werewolf réussit la job. Comment ils l'ont fait? Bien, c'est tout fait en mécanique. C'est des prosthétiques, donc c'est vraiment génial. Et si vous regardez la séquence de la transformation du loup-garou dans American Werewolf in London, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Et c'est des choses qu'on n'aurait jamais vues dans les années 70 ou dans les années 60, mais les années 80, il faut qu'on pousse ça. Il faut qu'on pousse au maximum avec l'originalité. Il y a des brains, des cerveaux derrière ça. Et tu as des réalisateurs qui sont créés à ce niveau-là. Hein. Oublie pas, James Cameron arrive dans les années 80. Oui. Il nous sort un Terminator. Avant, Cameron n'existait pas. T'as Oliver Stone qui arrive aussi dans les années 80 avec The Hand, mais il a fait Wall Street. Il a fait une panoplie de films qui sont importants. Donc, non seulement t'as Woody Allen qui va se concrétiser, t'as Rob Reiner qui va se spécialiser dans la comédie dramatique. D'ailleurs, les rom-com ou les comédies romantiques ou les ce qu'on appelle les drum-com, qui sont les comédies dramatiques, vont sortir dans les années 80 également. On va penser à When Harry Met Sally, quand Harry rencontre Sally. On pense à Sleepless in Seattle, malgré que ça a été fait plus au début des années 90, mais c'est quand même Nora Ephron qui l'a fait, qui a commencé elle aussi dans les années 80. Donc, tout ça arrive dans cette période-là. Mais si tu nommes tout ça, moi, c'est du rafraîchissement, c'est un vent d'air frais, mais c'est du bonbon à mes oreilles. Mais pourquoi c'est mitigé? J'ai hâte que tu y en On y arrive, mais on continue à amener quand même des bons points. Parce qu'il y a un autre gars qui arrive dans les années 80 qui lui aussi va amener quelque chose d'important. Le gars s'appelle John Hughes. Et ce gars-là dit à Hollywood, les ados, c'est pas des cruchons. Et il va créer une panoplie de films où est-ce qu'à ce moment-là, les adolescents vont devenir le point de mire. Donc, on parle de on parle de Pretty in Pink. On parle de Breakfast Club. On va parler aussi de Ferris Bueller's Day Off, donc la folle journée de Ferris Bueller. Donc, tous des films, Some Kind of Wonderful, tous des films que John Hughes va toucher et même on va aller, à un moment donné, toucher à l'adulte, donc Planes, Trains and Automobiles qui va être fait, les voyages touristiques avec John Candy et Steve Martin. Même là, au niveau de l'humour, on va créer des gars, on va aller chercher des gars du Saturday Night Live, donc on voit la création des Bill Murray, John Candy, Steve Martin, Rick Moranis, etc. Donc, on pousse à l'extrême la création qui vont nous donner des films aussi divertissants que Ghostbusters, mais toujours fait d'une manière intelligente. Tu me disais tantôt, qu'est-ce qui fait que ça amène du négatif au niveau du film des années 80? C'est fait à la botch, non? Au contraire, non, c'est réinventé. Tout est bien. Arrive quelque chose qui s'appelle le slasher film. Le slasher film est créé dans les années 80 et va devenir la prostituée d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est... On ne met pas beaucoup d'argent, mais on va chercher beaucoup de recettes. Et donc, à ce moment-là, on va faire des suites. Vendredi 13. Vendredi 13, 2. Vendredi 13, 3. Vendredi 13, 4. Vendredi 13, 5. Vendredi 13, 6. Par la même chose, on a aussi Freddy Krueger. Le Freddy Krueger 1, le 2, le 3 et le 4 et le 5. Et voilà, c'est l'histoire d'Hollywood dans les années 80 parce que pour amener du monde, il faut qu'on crée les franchises. On écoute un peu. Donc, alors, d'un côté, on a bien de l'originalité, bien de la création, mais de l'autre côté, on a de la paresse parce qu'Hollywood décide de ne plus prendre de chance parce qu'elle doit ramener des fonds et de l'argent et s'assurer que l'auditoire va revenir en salle. Et ça, ça va être mortel à plusieurs niveaux. Je donne un exemple. Vendredi 13 est un bel exemple. Oui. Là-dedans. On fait Vendredi 13 1 à 4. Au quatrième, on tue le personnage de Jason Voorhees. Dans le cinquième, le personnage qui tue Jason Voorhees, Tommy Jarvis, va revenir et va devenir à la fin du cinquième Vendredi 13 le nouveau meurtrier en série. Le problème, c'est que les fans disent « Non, on veut revoir Jason ». Et là, à ce moment-là, Paramount revient sur ses pas et fait comme si le 5 n'aurait pas existé. Et Jason, qui est enterré depuis pratiquement 10 ans, n'est pas encore en poussière. Non, il est encore en un morceau, 6 pieds sous terre, dans son cercueil. Et il revient à la vie, tout comme Frankenstein, lorsqu'il est frappé d'un éclair. Et il revient tout simplement le meurtrier en série. Et c'est ça qui est un petit peu la descente aux enfers, je dirais, du film des années 80. C'est-à-dire que d'un côté, on a plein d'idées originales, mais de l'autre côté, on sombre dans les franchises Gremlins 2, etc., etc., Poltergeist 2, et ainsi de suite. Dès qu'on a un film à succès, bien, on va créer ces choses-là. Mais c'est pas tout les films à succès ou qui ont étiré la sauce. Là, il y en a que ça fonctionne, qui a bien fonctionné. Oui, mais tu sais, Back to the Future, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça, c'est un succès. Ils ont étiré la sauce, mais pas tant que ça. Non. Indiana Jones, c'est dans... Indiana Jones, on en a fait 3. Le quatrième a été fait plus récemment. Oui, récemment, mais quand même, ça, c'est du succès. On peut s'entendre. C'est toujours du succès, mais c'est quand même qu'Hollywood, les journalistes et des gars comme Quentin Tarantino et compagnie, eux autres considèrent que tout ce qu'on fait, c'est juste retourner la marmite des mêes ingrédients. Donc, on sert juste la même soupe, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, là, ma soupe, la cuillère pour verser ta soupe est rouge. Là, j'en prends une blanche pour te verser ton deuxième bol de soupe. C'est clair qu'un Quentin Tarantino, ça, c'est frustrant. Ben oui, parce que lui, il est habitué de faire un film différent à chaque fois qu'il fait une œuvre. Il se casse la tête, mais on peut dire encore plus? Tu sais, à trouver quelque chose d'original, puis de recommencer quelque chose à zéro, de recommencer les personnages, de recommencer tout. T'sais, lui, il repart à brouillon, il n'y a pas... À chaque fois. Il ne part jamais à un nouveau système. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que il y avait un projet de film à un moment donné qu'il devait faire et il y a quelqu'un qui a sorti son projet de film sur Internet. Il a carrément mis la hache là-dedans. Il a dit « Le film est terminé, je ne le fais plus. » Donc, il est reparti à zéro, il a redonné l'argent qu'il avait eu entre les mains pour faire son projet, puis il est reparti à un nouveau projet. Oh, fair enough. Donc, tu sais, oui, exactement. Donc, tu as des gens comme ça qui ont besoin d'originalité. Mais Hollywood, à cette époque-là, avait besoin de sécurité parce que ils se battent contre plusieurs compétitions. Mm-hmm. Donc, on parlait de la télévision payante, on parlait de la cassette vidéo, les clubs vidéo et tout ça. Donc, on a besoin de ramener les gens dans les cinémas. Et quand on a un blockbuster, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ça. Et d'ailleurs, ça me ramène dans les années 70. Parce qu'au milieu des années 70, Steven Spielberg crée Jaws. Et en 75, ça crée le premier blockbuster estival. Ça ne s'était jamais vu avant. Lucas, en 77, va recréer la même affaire avec Star Wars. Lorsqu'on arrive en 1981, le blockbuster devient permanent. Ça nous prend un succès à tous les étés. Et à ce moment-là, ça également, ça va avec les franchises. Il faut qu'on ramène un gros succès. Et c'est depuis ce temps-là quelque chose qu'on a à tous les étés depuis les années 80, le blockbuster estival. Il faut absolument qu'on ait un grand film qui va rapporter de l'argent. Et la majorité du temps, c'est quelque chose qui tourne autour du 4 juillet. Je vous dirais que ça fait pas longtemps que ça a été changé. Disney a changé ça avec les deux Avengers qui ont avancé ça dans le mois de mai. Et les Avengers ont été chercher les deux années le top box-office. Mais habituellement, c'était toujours le film qui sortait pendant le week-end du 4 de juillet, donc la fête des Américains. Pensez à Independence Day, des choses comme ça, qui était le gros box-office annuel. C'était le film qu'elle allait chercher habituellement. Ça, d'ailleurs, quand quelqu'un mettait un film cette date-là, habituellement, les autres studios se tassaient parce qu'ils savaient que c'était un gros film puis qu'habituellement, c'était lui qui allait ramasser tout en fin de semaine. Hey, parenthèse de même, là, pour ceux et celles qui écoutent présentement Christophe, je ne l'ai pas vu une fois encore regarder ses notes. Moi, ça, c'est l'affaire qui m'impressionne le plus. Bref, à chaque fois, ça me fascine. Là, t'as tellement une mémoire de fou. C'est pas pour rien qu'on t'appelle l'historien du cinéma. Là. Aïe, aïe, aïe. Donc, par la suite, là, bon, il y a des gens qui sont mitigés. Ils ont trouvé une formule payante. Ils veulent garder le tout pour faire compétition aux nouveaux produits. Oui. À la nouvelle offre que le public a, finalement. Oui. Est-ce que ça s'éteint? Est-ce que ça se poursuit? Est-ce que c'est une bonne recette? Est-ce qu'ils vont... Écoute, moi, je te dirais que le box-office comme tel, là, tu vois, je te dirais, les films ont toujours eu un impact jusqu'à la fin des années 80, même le début des années 90. J'ai toujours considéré que la pire chose qui est arrivée à Hollywood, c'est le CGI. La raison pourquoi que je disais que les années 80 étaient originales, c'est parce que les gens devaient se forcer les neurones pour trouver des concepts pour que quand tu arrivais avec une créature, il fallait qu'elle marche d'une façon mécanique, mais que ça ait de l'air réel à l'autre bout de la ligne. Fluide. Okay, oui. Faut que ça passe. Faut pas que les gens aient l'impression d'écouter un toutou. Aujourd'hui, tu sais, tu feras un Gremlins, puis c'est quelque chose qui se travaille, il va être fait en numérique. Il va être fait en CGI. Pas le choix. Donc, les jeunes ne se forcent plus le postérieur. Ils n'ont plus d'originalité au niveau du cinéma. Et c'est dommage parce que tu te rends compte que, quelque part, c'est peut-être ça qui fait que, présentement, le cinéma actuel il manque d'originalité, il manque de vie. Il est fade. Moi, écoute, la dernière fois que j'ai été excité, là, le mot est fort, et c'est ça, d'aller au cinéma, et que j'ai eu le goût de mettre du cash, peu importe si ça coûte trop cher ou pas, avec popcorn, puis slotch inclus. Oui, slotch, je sais que c'est kid, là, mais c'est le fun au cinéma, je m'assume. C'est bon. Ben, c'est le Joker. Oui. Puis il n'y avait rien d'un film récent ou presque. Non. Il y avait tout d'un film avec la vieille recette. C'est une performance d'acteur. Exact. Et j'ai pas été déçue, j'ai été surpassée, puis j'avais les attentes très très hautes, pas parce que je m'en étais fait parler, parce que j'avais lu des affaires, je m'étais gardé toutes les surprises possibles, et même, c'est moi là qui dis « Ah, ça va être trop, puis juste ça dans la tête, là, j'avais ça, puis d'habitude quand on fait ça, on a l'effet inverse, « Ah, finalement, c'était pas si bon, que ça, ou « Ah, ben, je suis un peu déçue, ou je m'attendais à plus », mais non, pas toutes, c'était simple, efficace, pas trop court, pas trop long. Ils t'ont pris par surprise. Ils m'ont pris par surprise. Puis le fait que ça clash dans le moule des années qui suivent, les années actuelles, ben ça clash avec le modèle qu'on est habitué normalement, qui est fait pour acheter les toutous, qui est fait pour acheter le DVD, pour être sûr et certain qu'on soit là en cinéma pour les 8 prochaines autres suites. Le modèle Disney. Ouais. Enfin, faut l'appeler comme ça, c'est le modèle Disney, je veux dire, l'univers des super-héros. Ouais, puis c'est pas que c'est pas bon, c'est non, juste que... c'est excellent, mais c'est la force de DC à ce niveau-là. J'ai toujours dit que pour Disney, pour compétitionner Marvel, DC doit se comporter comme DC, et DC font quelque chose d'original, quelque chose qui est hors de l'ordinaire, et c'est ce qu'ils ont fait avec le Joker. Disney, ils ont quand même des exceptions. Tu sais, quand tu regardes, mettons, les Nemo, les Incredibles, Story... Ah, c'est vrai. C'est Pixar. C'est quand même Disney, mais c'est Pixar quand même. C'est vrai, je les mettais dans le même tapon, mais finalement, il y a quand même une variante. Mais par exemple, tu peux arriver avec un film comme The Lion King, que le visuel est époustouflant, puis que même si ce n'est pas, mettons, le film d'animation qu'on a connu dans les années 90, moi, je vais vous dire, je viens de voir le visuel de ce film-là et j'en bave encore. C'est époustouflant, l'œuvre que Jon Favreau nous a donnée. Il faut que je le voie, je ne l'ai pas vu. C'est à voir. Mais tout ça pour te dire que si on finissait avec les années 80, parce que moi, je pense que ce que Hollywood devrait faire, ça serait de couper l'accès au CGI à ses réalisateurs et à leur dire « Écoutez, les boys, vous allez redevenir original puis vous allez trouver une manière de faire vos effets spéciaux sans CGI et de faire vos scénarios pour que ça soit réaliste sans CGI. » Mais je te dirais qu'on aurait peut-être des scénarios beaucoup plus intelligents qu'il y aurait beaucoup moins de frafra où est-ce que là, tu as des actions qui, tu sais, tu regardes puis tu dis, ça se peut pas, l'être humain ne peut pas faire ça, là. Je veux dire, je me rappelle les films de James Bond. Oui. Dans tous les films de James Bond, tu as une cascade qui est faite par un cascadeur et qui doit être faite pour battre un record Guinness. À partir du moment que Daniel Craig est arrivé là, la première cascade qu'il a faite, c'est faite en numérique. Et toutes les cascades de James Bond ne sont plus crédibles parce que toutes les cascades que James Bond sont faites avec le numérique. Donc, un cascadeur ne peut pas faire la cascade qu'il fait. Et donc, à ce moment-là, pourquoi t'as fait? Elle n'est pas crédible. Elle ne peut pas se faire par un cascadeur. Ce que les autres James Bond faisaient à l'époque, et c'est la raison pourquoi j'ai toujours aimé plus les autres James Bond, si tu regardes L'homme au pistolet d'or en 75, puis que tu vois la voiture faire un 360 dans les airs pour tomber au bord d'un pont parce qu'il n'y a rien, ça a été fait par un cascadeur. S'il se pétait la gueule, il aurait pu se tuer. C'était les risques du métier. T'as plus c'est ça vrai. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit oh, « on va faire ça en numérique », mais c'est, parce ça enlève, c'est de la facilité et ça enlève la crédibilité et ça enlève la magie des années 80. Aujourd'hui, on essaye de prendre les années 80, on essaye de les remettre au cinéma. Dites-vous que dans les années 80, on a créé Rambo, on a créé les Gremlins, on a créé Marty McFly, on a créé Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky. On a créé Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Tom Cruise est venu au monde dans les années 80. On n'a plus ça aujourd'hui. Nommez-moi un acteur comme Tom Cruise que quand vous le regardez, vous dites « Hey, sa gueule est tellement incroyable que je reste accroché après. » Il n'y a pas d'acteur, ils se ressemblent tous. Les personnages se ressemblent tous, les scénarios se ressemblent tous, le concept de film se ressemble tous. Et ça manque à cette magie-là des années 80. Et c'est ça la force. Et je pense que c'est la raison pourquoi les années 80 sont si chaudes à la vieille génération et que la nouvelle génération essaie de la reproduire, mais qu'ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils la font, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'ils la font avec la technologie d'aujourd'hui au lieu de la faire avec la technologie d'antan. Bien, j'ai l'impression que c'est une génération qui va marquer, non par les acteurs, mais par justement le numérique. Oui. Tout ce qui est graphisme, tout ce qui est audiovisuel, là, c'est ce qui va faire en sorte que les années 2000 vont marquer pas mal comparativement aux autres. Ben, tu sais, regarde, on va te parler, on te dirait, si je te dis, marque-moi une œuvre qui t'a marqué dans les années 2000, je suis certain que tu vas me parler du Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas vu. Ouais, OK, laisse faire. Tu sais que je vais me faire envoyer des lettres de honte. Hein? Alors, j'aurais tué. Mais tant qu'à finir la honte, là, il y a deux choses dans ma vie que j'ai pas vues. Okay. Et je l'assume pleinement. Je suis désolée à tous ceux et celles qui croyaient que j'étais une geek parfaite. J'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, qui est un classique, et je n'ai pas vu. Rien, aucune seconde, à part le générique sur YouTube, de Star Wars. OK. Fait que ça, c'est les deux choses qu'on peut me pitcher des roches, qu'on peut me crier honte, shame avec une cloche, puis me suivre, puis vouloir me raser la tête comme dans Game of Thrones. Parce que, effectivement, je suis pas une geek parfaite. Là-dessus, ben, ça m'est jamais tombé dans ma petite poche, je vais le dire demain. Mais soyons honnêtes, pour Star Wars, écoute épisode 4, épisode 5, puis garde ça, puis tu vas être correct. Mais je pensais que tu allais me dire, je suis sûr que tu vas me dire Avatar, j'ai un peu de vomi dans ma bouche si tu m'avais. Non. Avatar, si tu veux écouter Avatar, t'as juste écouté Pocahontas, puis tu rajoutes un numérique par-dessus, puis t'es faite. Il y a beaucoup d'agressivité dans ta chronique à soi. J'ai du sarcasme. J'aime mieux le sarcasme. Oui, il y a beaucoup de sarcasme dans ce que tu dis depuis plusieurs minutes. Mais les acteurs qui ont vu leur carrière débuter, tu en as nommé plusieurs. Il y en a-tu d'autres? Ben, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Ali Sheedy. Écoute, il y en a plusieurs. 30 minutes, là. Là, c'est rare, là, mais je vais regarder ma liste parce que ce sont trop importants. Mais... Puis aussi, mettons, on a mentionné des films à succès, mais il y en a sûrement une couple d'autres qu'on pense pas à être très, très rapidement. Mais tu sais, tu vas avoir Meg Ryan. Michelle Pfeiffer a commencé dans Scarface en 83. C'est vrai. William Hurt a commencé là. Holly Hunter, John Candy. Tantôt, on a parlé des comédiens. Eddie Murphy a commencé dans 48 heures en 1982. Donc, tu as une panoplie de gros noms actuellement. Qu'aujourd'hui, tu vas voir sur Netflix parce qu'on ne les laisse plus passer au cinéma. Tu sais, pense à des actrices comme Glenn Close. Parce que ça aussi, les années 80, c'est important. J'en ai pas parlé. Tantôt, on parlait de la libération sexuelle. Les thrillers érotiques ont commencé là, dans les années 80, Fatal Attraction, ou Liaison fatale, tout ce genre de films-là, Nine and a Half Weeks et tout ça, ça a commencé là dans les années 80 aussi. La libération sexuelle a commencé là avant de se détériorer après ça dans les années 90 et 2000. Mais tu sais, donc, tu as toute cette batch-là d'acteurs aussi, Mickey Rooney, Kim Basinger. Donc, tout ça, tous ces acteurs et ces actrices-là ont commencé dans les années 80. Donc, tu sais, toutes les gros noms... Ces années-là sont vraiment des années incroyables de création. Et c'est important, ça, pour le cinéma qui va venir par la suite. Mais tu vois, on a cessé d'évoluer à un moment donné dans les années 2000. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se parle des belles gueules du cinéma. Parce que, tu sais, je me rappelle dans les années 50, 60, même 70, tu avais des gars comme Paul Newman, comme Steve McQueen, comme Robert Redford. Tu n'as plus ça aujourd'hui. Là, effectivement, on n'a plus ça, mais on se retrouve dans les années 2000 où on est capable de faire ce qu'on veut et de reproduire ce que l'on veut et oui. de rajeunir qui on veut. Et tu peux même reproduire Peter Cushing à l'époque d'épisode 4 de Star Wars pour le mettre dans Rogue One alors qu'il est décédé tout de suite après l'épisode. Ben, il est mort, je pense, dans le début des années 80. Je connais déjà ta réponse, mais pour le bien des auditeurs, les fameux remakes. Oui. Est-ce que ça peut avoir du positif ou juste du négatif? Si un film, à l'origine, a de l'ouverture à être amélioré, je pense, mettons un exemple, je pense beaucoup à George Romero qui avait des films petit budget, genre The Crazies, genre Night of the Living Dead, qui sont des œuvres quand même phénoménales pour l'époque, mais qui ont quand même beaucoup d'ouverture à être améliorées avec un nouveau système, de la nouvelle technologie et tout. Je pense que oui, il y a des remakes qui peuvent être acceptés. Il y a d'autres remakes, cependant, que je te dirais, 80 % des cas, tu as des films qui sont excellents, tu ne les touches pas, ces films-là. Bien, 80 % parce que... pour les années 80. Oui, exactement. Mais tu ne les touches pas parce que ces films-là sont encore adéquats. Je viens pour te donner un exemple d'écouter Child's Play, le nouveau Chucky, le remake. Oui. Très beau concept de base, génial comme concept, c'est juste c'était gâté par le fait que ça s'appelait Chucky. Si on avait pris une poupée puis qu'on avait pris le concept qu'on a fait avec le nouveau Child's Play qui vient de se faire, puis qu'on aurait créé du côté de MGM une nouvelle poupée, ça aurait été un des concepts les plus délirants que j'ai vus. Totalement génial comme concept de film. Mais d'avoir appelé ça Child's Play, ça scrape tout le produit parce que tout ce que tu fais, c'est revenir en arrière, penser à Chucky original, et tu te dis, sais-tu quoi, c'est pas Charles Lee Ray, c'est pas Chucky. Je suis pas capable d'accepter ce produit-là en tant que remake de Chucky. Et c'est là le défaut des remakes actuellement. C'est que tu essaies de faire quelque chose qui est parfait puis de faire quelque chose de mieux, mais tu n'as pas la technique. De le refaire, Mais c'est plus la même technique. Non, et c'est comme si les jeunes disaient, savez-vous quoi? On va vous montrer que les années 80, c'était moins bon que nous autres. Mais savez-vous quoi, les jeunes? Les années 80, ils sont encore supérieurs à vous autres. Il y a une couple qui écoute, je vois, yeah! Yes! Wow! Il y a deux remakes à date que j'ai acceptés. Oui. Puis il y en a un que j'accepte sans avoir encore vu. On en a parlé tantôt, c'est Le Roi Lion. Oui. Je trouve que l'idée, le concept de rendre ça réaliste, mais pas de façon comique, mais de rendre ça en animation 3D. Plus réaliste, effectivement. Je trouve l'idée sublime. Et l'autre que j'ai été surprise et j'ai aimé les petits clins d'œil au premier de 89, c'est Pet Sematary. Oui, j'ai détesté la fin, mais j'ai adoré le reste du film. Je suis un peu comme toi. Mais sais-tu quoi? Pet Sematary est un exemple de... Le film original est vraiment pas terrible. Ouais, OK, c'est peut-être pour ça qu'il était Parce que les bon. Dialogues n'étaient pas forts. La mise en scène, c'était la première réalisation de Mary Lambert. C'était son premier film, donc elle n'était pas encore à l'aise. Donc, le remake, il y avait juste de la place à amélioration. Un peu comme It. Si vous écoutez It ou ça, It, c'est la même chose. Le film de 90, qui était une mini-série pour la télévision de 3 heures, c'est ordinaire comme film. Puis ils passent leur temps de passer du passé au présent, au présent, au passé, au passé, au présent. À un moment donné, tu es tout perdu, puis ça devient dole, puis ça brise ton rythme continuellement. Là, ils ont eu l'idée originale de dire « On va faire le premier film dans le passé, puis on va faire le deuxième film dans le présent. » C'est pour ça que ça a marché. Parce que c'est plus facile à suivre d'une façon linéaire au niveau storyline. Et It pouvait pas... Si quelqu'un avait fait un mauvais film avec It, le remake, bien, je pense qu'il aurait dû abandonner sa carrière de réalisateur parce que c'était pas sa place. Donc, tu vois, il y a des bons remakes qui peuvent se faire. Mais ils sont plutôt rares. Ils sont rares. T'sais, si quelqu'un me dirait demain matin, j'ai l'intention de faire un remake du Parrain, je le regarderais et je dirais, t'as le choix. Je vais te faire un offre que tu peux pas refuser. Tu t'enterres 6 pieds sous terre quelque part ou t'arrêtes tout simplement le projet. Mais il est pas cave, il va faire du cash pareil. Le monde sont curieux, ils vont dépenser pareil. C'est impossible de faire un remake d'un film qui est un chef-d'œuvre aujourd'hui. Tu ne peux pas toucher une œuvre parfaite. Fait que tu y touches pas. Ça a déjà été fait. Le Parrain? Non. De toucher à des œuvres parfaites. Oui, puis regarde, ça a donné quoi? Mais ils ont fait du cash pareil. Oui et non. Il faut faire attention. Il faut voir c'est quoi tu parles. Bon, ils ont une réputation de merde, mais ils ont fait du cash pareil. Oui et non. Des fois oui, des fois écoute, non. Écoute, je suis désolée de te dire, il y a des jeux vidéo qui ont fait un coup de cash de même comme pas possible. On parle de jeux vidéo, mais là, on est au cinéma. Je sais. Je veux te faire une comparaison parce que mes comparaisons, c'est soit du chocolat ou soit du jeu vidéo, OK? OK. Ma crisette est finie. Bon. Y a le fameux jeu vidéo qui pognait et qui pogne encore auprès des jeunes qui s'appelle Minecraft, où oui. Tu crées des mondes et tu avances dans le jeu en ramassant des cubes, oui. Puis en créant des objets, des choses pour te créer des maisons, puis tout ça, puis bon, survivre, puis là tu dois te chasser. Bref, c'est fait en pixels 3D, je peux le dire de même. C'est normal. Ce jeu-là était vendu 10$ au départ, ça a été racheté et ça a été, maintenant ça se vend, je pense que c'est 35$, sinon ça peut être monté, je suis peut-être pas à jour, OK? Ils font du cash. Il y en a qui ont eu la bonne idée de côté de Minecraft d'inventer Cube World. Il y en a qui connaissent peut-être, là, je suis vraiment d'un geek à côté, là. Cube World était la bonne idée d'avoir, au lieu d'avoir des gros carrés massifs et plus enfantins, d'avoir des petits carrés qui faisaient quand même un monde exact. Et c'était un peu moins pixelisé parce que les pixels étaient moins gros, OK? Puis, il y avait plus de sorts, il y avait un système d'évolution, de niveau plus avancé que Minecraft qui l'a ajouté sur le tard. Okay? Et ils se sont dit, ben écoute, la folie est à Minecraft, on est quelques années plus tard, ce qui fait en sorte que, ben, on va proposer notre projet, puis tout ce qu'il n'y a pas dans Minecraft, nous, on va l'avoir. Lance la version en version d'essai, vend la copie à coût de 10$, vend, un peu comme Minecraft, vend. Les créateurs n'ont jamais fait de patch, n'ont jamais fait de continuité au jeu, ils n'ont jamais réglé de bug. C'était juste pour vendre une fois, t'achètes, il n'y aura plus de mission, il n'y aura plus de choses. Ce qu'on vous a vendu, de toute manière, votre cash, on l'a déjà, pas de besoin. On peut s'asseoir sur nos lauriers, notre job est fait. Puis ces gars-là, on n'entendra plus jamais parler, ils sont morts de rire. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, eux autres, au lieu de s'enterrer pour refaire le Parrain, ben avant, ben ils ont refait le Parrain. Ils ont fait du cash, puis après ça, ils sont allés 6 pieds sous terre à se faire oublier. Mais il y a une erreur avec ton concept. Vas-y. Tu parles d'informatique, tu parles de jeux vidéo. Oui. La technologie des années 80 face au niveau de l'informatique aujourd'hui n'est vraiment pas la même. Non. Donc, le remake, même s'ils ont fait une passe de cash, méritait peut-être d'être fait à cause de l'évolution de la technologie. On parle du Parrain. Le Parrain, là, il n'y a pas d'effet spéciaux à faire là-dedans. Là. Le seul effet spécial que tu peux faire, c'est quand les gens se font tirer dessus. Au lieu de les faire avec des poches de sang, tu vas les faire avec du numérique. Oui, je sais, mais justement, c'était pas une... Je veux m'obstiner. Oui, on sait bien. C'était pas une question de plus évoluer ou quoi que ce soit. C'était juste de peaufiner ou d'ajouter des détails. C'était pas parce que c'était plus beau, plus soft et les qualités graphiques étaient plus hautes. Non, justement, je te dis, c'était en carré. Mais je te dirais, il y a effectivement une exception à la règle, c'est Halloween, que personnellement, j'ai trouvé le remake totalement... c'est vraiment ordinaire parce que c'est un remake de Halloween 2 qui ont tout simplement dit, on va respecter l'original puis on va faire une nouvelle suite, on va partir une nouvelle ligne temporelle. Parce que ça, c'est la nouvelle mode. Hein? Ouais. On part une nouvelle ligne temporelle à côté. On va pas flusher le premier, on va flusher les autres qui viennent après. Ouais. Alors, on va dire à tous ceux qui ont encouragé les années 70, 80 et toutes les suites qui font en sorte qu'Halloween existe encore aujourd'hui, vous êtes rien qu'une bande de 3 petits points. Nous, on va faire quelque chose de mieux. Ce que vous nous avez donné ou ce que vous avez écouté, c'était de la 3 petits points. Nous, on est meilleurs que ça. Bien, un autre exemple, c'est, mettons, le Joker avec Leto. Oui. Oui, mais attention, parce qu'encore là, c'est pas parce qu'il a voulu faire de quoi. Ils ont tout simplement refait un nouveau Joker. Il y a une nuance ici, parce que là, ce que tu fais, c'est pas... Tu vas pas, mettons, faire... on va prendre, mettons... Si tu dirais, mettons, OK, on va faire un nouveau Dark Knight, on va flusher la séquence, le film avec Heath Ledger, puis là, on va en faire un nouveau avec un nouveau Joker, puis ça va être lui, le Dark Knight, le vrai partie 2. Ça, c'est insultant. Ouais, je comprends ce que tu disais, puis je suis d'accord. Et moi, c'est là que... Ça, eux autres ont fait une passe de cash. Malheureusement, on va les revoir parce qu'on est en train de faire un 3 et un 4. Mais ça, c'est l'exception à la règle. Parce que normalement, quand on fait un remake, la majorité du temps, le remake se pète la gueule. C'est rare qu'ils vont faire de l'argent. D'ailleurs, le dernier Chucky, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Il en a perdu plus qu'autre chose. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait présentement à Hollywood. C'est qu'on on va essayer de prendre des points des années 80 en disant « ça a marché là, ça va marcher aujourd'hui ». Non, parce que vous n'étiez pas dans l'ambiance là. Votre création qui a été faite dans les années 80 ne vient pas de vous. Vous essayez juste de copier quelque chose qui ne vous appartient pas. Essayez donc de créer quelque chose de votre bord qu'on va s'intéresser à. Et justement, le nouveau Child's Play et cette erreur qu'a faite MGM et le réalisateur de ce film-là. Le concept était génial. On aurait dû partir une nouvelle poupée avec le concept du nouveau film et ça aurait parti une nouvelle franchise avec quelque chose. J'aurais été le premier à vendre ce concept-là et dire quelle idée originale dans la technologie d'aujourd'hui. C'était parfait. Malheureusement, on a appelé ça Child's Play. On aurait pu continuer à appeler ça Child's Play. Il n'aurait juste pas fallu que la poupée s'appelle Chucky. Merci, Christophe. Hey, ça fait plaisir. C'est, écoute, d'habitude, on est passif-agressif. Là, on était plus agressif. Là. Agressif, ça nous arrive, sarcastique. Ouais, ouais. Sarcastique. Ouais, un nouveau mot que je viens de créer, sarcastique. Je l'aime bien. Ouais. Sarcastique. Merci, Raphaël, de m'avoir invité. Yes, puis écoute, c'est pas la dernière, j'espère? Ben non, certain que tu m'endures encore, même si je t'obstine des fois. Ah, écoute, j'adore que tu m'obstines. Yes, c'est comme ça qu'on évolue. Ben on oui. évolue parce qu'on s'obstine. C'est un échange voilà. de personnes qui parlent avec ou sans lunettes, mais quand on est geek, qu'on a des lunettes des fois invisibles, toi, c'est dans ton cas, t'as des lunettes invisibles. C'est ça, moi, je les replace. Oui, c'est bien. Ma vue n'est pas parfaite. Mais c'est ça, être passionné. Yes, sir. Sex, Game and Rock'n'Roll podcast. Je vous invite à aller sur la page Facebook. C'est très, très simple. Si vous n'avez pas encore mis un petit like, un petit j'aime, SGRNR, c'est le mot-clé pour le trouver, SGRNR. Puis en même temps, je vous mentionne, vous avez peut-être vu ça passer dans les derniers jours, dans les dernières semaines, j'ai un Twitch. Donc, si vous voulez, c'est très, très simple, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, le même mot-clé, SGRNR. Je vous souhaite un très bon moment et au prochain podcast. Bye-bye! C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.